Vers le milieu de soirée, on a appris le décès de un des membres de la French Connection, René Robert, qui est décédé hier à l'âge de 72 ans. Ben, on va parler maintenant avec le seul qui reste maintenant de cette French Connection qui a fait l'appui beau temps dans les années 70 à Buffalo, Gilbert Perreault. Bonjour, monsieur Perreault. Bonjour. Évidemment, on a appris le décès hier d'un de vos collègues. Ça doit faire quelque chose de quelque part de savoir que, tu sais, quand on regarde ça, Richard Martin qui est décédé il y a quelques années, là, c'est autour de René Robert. Quelque part, ça doit faire quelque chose quand même. Ah, c'est sûr, je viens de perdre un ami de proche. Écoutez, les trois, on a eu tellement des belles années ensemble. Quand Richard est décédé il y a 10 ans, écoute, ça nous a frappé les deux. Maintenant, c'est René, écoute, ça me frappe, là. Écoute, j'ai appris ça à 5h30 environ hier que René était décédé. Alors, 6h30 environ. Alors, c'est sûr que ça donne un coup, mais tu sais, on m'avait appelé la semaine dernière qu'on m'avait dit René avait eu une crise cardiaque majeure. Alors, on s'attend pas à ça, mais écoute, René est toujours, pour moi, un gars qui a toujours été en bonne condition physique. Alors, ça te prend par surprise, c'est sûr. Ça s'appelle la vie à quelque part. Qu'est-ce qui vous marquait le plus? Évidemment, il y avait une chimie. Moi, je vous ai pas vu jouer, j'étais un peu trop jeune. J'ai commencé. Je me rappelle beaucoup de notre trio dans les années 80, Simmer, Taylor et Dion. Mais vous, je me rappelle pas, j'étais un peu trop. Mais qu'est-ce qui me caractérisait cette French Connection, outre que vous étiez québécois? Ben écoutez, Richard Martin et René, c'était deux gars qui avaient une belle vision sur la patinoire, deux gars qui faisaient des buts en abondance. Je pense que quelques années, Richard avait 53, René 40, puis moi 40. Alors, on faisait des buts à profusion dans ces années-là. C'était des gars qui comprenaient le jeu, qui étaient toujours à bonne place, ils se déplaçaient très bien, ils se mettaient toujours libres, des bons patineurs, des lancers foudroyants. C'était vraiment, on avait vraiment une bonne ligne on savait ce qu'on était à sa patinoire, on devinait les jeux environ, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Ok, à Buffalo aussi, j'imagine que c'est probablement la plus belle époque de l'histoire des Sabres de Buffalo, là. Votre French Bon, on a Connection. écouté, c'est on faisait partie du début de la franchise. Alors, la franchise a débuté en 70. Moi, je suis arrivé en 70, Richard en 71, et René est arrivé vers la fin de 71 en échange contre Eddie Shack. Alors, René avait 22 ans, moi, j'en avais 20, puis Richard 21. Alors, on a tout de suite bien communiqué ensemble sur la patinoire. Ça a bien cliqué tout de suite. Et puis c'est là que le nom, vu qu'on était trois Canadiens-Français, c'est là que le nom est venu de la French Connection. Mais on a joué 8 ans ensemble et puis on a eu vraiment des belles années. Ok. Si on se rappelait un petit peu aussi, est-ce que vous avez participé ensemble à des compétitions internationales? Est-ce que vous avez été invité? Est-ce que la French Connection ensemble? Coupe Canada ou encore On a été Challenge invité, Cup ou on était, je pense, en 76, je crois. à Coupe On a été Canada? invité les trois. Oui. Ok. 76, en 72, j'étais avec Richard. Puis, 76, René, on avait été invité les trois en 76. Est-ce que vous avez reparlé, est-ce que vous avez revu René Robert au cours des dernières années? Ah oui, on se voyait, écoutez, René demeurait en Floride, l'été il demeurait à Buffalo. L'été était à Buffalo, alors on avait le tournoi des anciens à Buffalo. On se voyait, on travaillait les trois, ben, on travaillait les trois. Les trois, on était des ambassadeurs un peu pour les Sabres. Alors, on faisait des apparences publiques à Buffalo durant l'été et l'hiver. Et puis, c'est ça. Le dernier coup, vous l'avez vu, c'était au tournoi en 2019. 2019 au tournoi des anciens à Buffalo. OK. Et puis, ensuite de ça, la COVID est arrivée, là. On ne s'est pas revu, mais on se parlait une fois par mois sur Messenger. Et puis, c'est ça. Il demeurait en Floride. Alors, on restait en contact, là, régulièrement. Une fois par mois. Ouais. Est-ce que, malgré toutes ces années, ça fait quand même 40 ans que la French Connection n'existe plus, est-ce que les partisans... Ben ouais. Est-ce que les partisans à Buffalo vous reconnaissaient encore dans la rue? Est-ce que vous étiez encore... Beaucoup de jeunes avaient entendu parler de vous, de vos exploits? Oh oui, chaque fois qu'on faisait des apparences publiques, le monde m'écoutait. Le monde disait... Il y a bien des gens qui nous disaient... Monsieur Perrault, Monsieur Robert, Monsieur Martin, écoutez, je vous ai pas vu jouer, mais mon père ou mon grand-père vous a vu jouer. OK. Alors, tu sais, c'est sûr, il y a des gens de notre âge encore qui nous ont vu jouer, là. On a 60, René avait 72, moi 70, Richard aujourd'hui reste 69, alors... C'est sûr qu'il y a des gens de notre temps qui nous reconnaissaient. Écoute, les gars, les gens avec qui on voit au golf, c'est des gens de notre âge. Alors, ils nous ont vu jouer. Puis, ils nous rappelaient toujours des bons souvenirs. Ils aimaient bien nous voir jouer. OK. En fait, vous avez dit, je suis encore ambassadeur avec les Sœurs de Buffalo. Donc, est-ce que j'imagine que vous êtes un vrai sable? T'sais, on regarde ça, ils sont encore ils vont repêcher au premier rang encore cette année. Ils ont quand même un bon noyau à Buffalo. Tu as de Rasmus Dahlin, on parle que Jack Eichel pourrait être échangé. Mais il y a quand même de bons jeunes. Qu'est-ce qui fait que le ciment, le Gillo ne semble pas poigné à Buffalo? Ben écoutez, moi je suis pas l'entour du club, hein. Je peux pas vous dire. Je demeure à Vitréville. Alors, quand je vais à Buffalo, c'est pour des choses à l'extérieur de la patinoire. Je vais voir la joute de temps en temps. Alors, je vais terminer avec les sables aussi. Là, c'est à cause de la COVID. Là, à cause de la COVID, là, c'est sûr qu'on y va de moins en moins. On n'y a pas été. Depuis 2 ans, là, je n'ai pas été à Buffalo. Okay. Alors, c'est sûr que le club, écoute, je suis pas l'entour, je peux pas le dire. Je les vois pas jouer. Les seules fois que je les vois jouer, c'est quand ils viennent à Montréal ou à Toronto avec TSN. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune idée. Je suis pas l'entour du club, mais avec des choix, comme vous dites, il y a beaucoup de premiers choix, mais à un moment donné, il va falloir que ça te l'ait. Ben, c'est clair. Dernier point, vous suivez les séries du Canadien, j'imagine. Comment vous trouvez le CH? C'est assez spécial, hein, je veux dire ça. Moi, je suis abasourdi. Hein? Bon, écoutez, le plus longtemps qu'ils sont là, mieux que c'est pour le Québec. Ah oui, ça c'est clair. Non, ils jouent du bon hockey. Ouais. Ils jouent du bon hockey. C'est du hockey, on voit là, qu'ils ont une très grande confiance en eux autres-mêmes. Ça apparaît sur la patinoire aussi, alors je pense que... Ils ont autant de chances que les trois autres clubs qui restent, là, les quatre clubs qui restent, ils ont autant de chances que n'importe qui de gagner la coupe. Oui, effectivement. Monsieur Perrault, vous avez souhaité mes sympathies et au plaisir de se reparler. Merci. Le dernier membre vivant de la French Connection, Gilbert Perrault.